Allô, allô, allô, bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast de coquin et la seule radio poubelle homosexuelle de go. Allô. Parlant de poubelle homosexuelle, moi c'est Just PVM. Ah, je me suis rattrapé, grande bipolaire, sobre, non-binaire. Et là tout le monde, je pense qu'on vit les derniers instants de Charlie Morin, je veux pas inquiéter personne. Moi je pense que ça va pas. Charlie était là d'avance aujourd'hui pour le podcast, avant moi, avant l'heure. J'ai reçu la visite de la faucheuse, elle m'a dit une coupe d'heure. C'est ça, t'as le temps d'en faire un autre. Fait que je me suis dit, bon, ben, ça crame à m'arriver à l'heure. T'as le temps d'en faire un autre. Moi, je t'ai magasiné un cercueil. Ouais. Ouais, et j'en ai pas acheté, mais j'ai magasiné un peu. C'était à faire la voir. Parfait. Ouais, oui, c'était oui. Beau, mais on va te créer une fosse commune, je pense. Ah, coûte cher, cette affaire. Voilà, oui. Puis vous êtes qui, vous, futur décès? Moi, toujours. Déchet, décès. Oui, toujours dans l'ordre rose. Moi, c'est Charlie Morin, Raver Fuckboy qui ne pogne qu'avec les jeunes de 22 à 25 ans sur Tinder. Je suis plus capable, tabarnak. Ben voyons. J'ai pas de match avec du monde de mon âge. Ben voyons, ils veulent mais des dagues. Oui, mais en même temps, le monde de 30 ans, esti, là, ils sont juste là à se faire croire qu'ils veulent faire des rando la fin de semaine. Je suis comme, fuck off, t'habites à Montréal, Calis. C'est quoi, tu montes le Mont-Saint-Hilaire tous les fins de semaine? Là? Mais non, mais ça va, là, en tout cas. Avec, t'sais, je veux dire, je peux-tu avoir de quoi de, entre... Là, tu sais ce qui va arriver avec tes DM, là. Tu viens d'ouvrir la boîte de Pandore. J'ouvre là. La boîte de Pandore parce que là, pour vrai, sometimes it's not giving. Ouais. Fait que allez-y, parce que moi, j'aimerais ça trouver quelque chose entre du monde de 30 ans, 35 ans qui me demande si j'ai des placements parce que j'en ai pas. Puis, genre des kids de 22 ans qui sont quand même... Tu peux pas parler de passer Vincom, non? C'est le fun, c'est fake. C'est ça. OK, fait que la trentaine, la bedaine, le morveux, l'hypothèque, tout le monde, let's go. Hop, hop, hop. En tout cas. Fait que, mais c'était même pas ça mon segway, mais oui, je suis rendu sur Tinder, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. T'es rendu sur Tinder? Ben, j'ai give up de Grindr, j'ai assez... T'as pas give up, t'as fait le tour de Grindr. Est-ce que je me suis fait pogner? Parce que en plus, l'affaire que je m'en allais dire après, c'était j'en ai assez de fuck friend. Fait que oui, effectivement, j'ai fait le tour, j'ai trouvé ce qu'il y avait à garder, j'en veux plus. Oh my god! J'ai fait le tour, sauf, mettons, des fois à 5h le matin quand je le rétais, je charge pour voir qu'est-ce qu'il y a qui est du monde de proche, mais gars, c'est la vie. mais c'était même pas ça, mon segway. C'était quoi ton intro, là? Ben, mon intro, c'était, pour vrai, là, vous autres, vous êtes dans le futur. Mais là, ici, les élections, ça vient de se terminer, ah, oui. Là, pas long. C'est le fun, moi, j'étais à Berlin, j'étais même pas là. C'est vrai. Ah, j'étais en train de me geler à la face quelque part. T'avais voté par anticipation, bien sûr. J'avais voté par anticipation parce qu'il n'y a rien de plus important que de voter. Puis, mais pour vrai, ces élections-là, ça m'a comme... c'est le fun des fois de se reconnecter à la source de pourquoi on fait ce qu'on fait. Oui. Puis moi, je reviens ici avec une énergie renouvelée parce que haïr Éric Duhaime, je fais ça souvent, mais j'ai réalisé que pas assez, puis pas assez activement, puis pas assez profondément. Puis cette élection-là a ravivé ma haine, là. Ah ouais, hein? Ah, je me sens comme dans Drag Race quand ils sont comme « Now I've got a fire up my ass », genre « And I'm here to perform and give it everything and leave it to the floor ». Slay! Slay, mama. Slay, mama. Hey! J'ai dit ça, ces expressions-là. J'ai dit ça de même, genre comme un robot, mais... Oui, mais là, on est rendu... Là, en tant qu'homosexuel, ce qui se passe, c'est que là, on dit des affaires ironiquement parce qu'on trouve ça laid, puis on finit par ne plus les dire ironiquement, puis c'est rendu genuine... de dire « slay », même si à la base, c'était juste une ironie contre les gens qui disent ça de manière sérieuse puis que c'est niaiseux. En tout cas, mais c'est oui. Méta, mais oui, tout ça pour dire que j'haïs Éric Duhaime plus que jamais. Ben oui, mais là, il nous a donné une campagne électorale de statement, d'opinion, de programme, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Je veux dire, là, on a vu du Éric Duhaime comme on n'a jamais vu. En plus, tu sais, je veux dire, le QS, quand il y avait genre... la grosseur du Parti conservateur du Québec, là, parce qu'il se faisait inviter au débat? Non. Parce qu'il y en avait-tu une tribune médiatique? Non. Non. Moi, ce qui m'a le plus marqué, puis outre le statement dégueulasse puis super misogyne sur quand il parlait des guns puis qu'il disait que nécessairement, quand tu parlais de genre libéraliser les lois sur les guns, là, il ramenait la polytechnique, puis là, il disait il montre des filles qui bravent, c'est comme des filles, t'es super misogyne, dégueulasse, puis tu... C'est juste que en tant que gay, tu sais, je veux dire, oui, il y a de la misogynie, puis genre, tu sais, on en a tout l'intériorisé contre laquelle on lutte et tout, mais ça! C'est quasiment de la misogynie de gosse. Ça! C'est dégueulasse! Anyways, mais outre ça, c'est sorti dans le groupe Facebook du podcast Couple ouvert. Intro numéro 4. Ah oui, intro numéro 4, je vais me faire marier, puis Marie, ça sent bien, on va t'introduire. On a une invitée, on n'est pas tout seul, je veux pas brûler un poche, mais on a une invitée qu'on garde en otage. mais... C'est sorti. T'as-tu vu ça? Les films préférés des chefs de parti? Non. OK. T'as-tu vu ça, Marie? Non, j'ai pas vu ça. Là, on va faire une intro après, mais là, tu peux. Genre, on libère la parole. Là, tu peux commenter. OK, sur ça parfait. Aussi. Merci. T'as pas vu ça? OK. Non. Personne n'a vu. T'es la seule qui a vu ça. Non, mais pour vrai, vous créerez pas. Devinez, c'est qui la seule personne qui a répondu à un film qui a de l'allure? Manon Massé? T'as-tu dans J'ai peur que ça soit François Legault. Pour vrai, François Legault, il a dit crazy. OK. Puis I stand by that. C'est un bon film. J'étais comme quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dominique Anglade a dit Pretty Woman, ce qui m'a pas surpris. Parce que quand tu vois les esthétiques playlists hashtag girlboss qu'elle met dans ses trucs de campagne, pis tout, je suis comme moi, oui. L'as-tu vu danser sur TikTok? Non. Oh mon Dieu, c'était beau ça. Oh non. OK. GND a répondu Star Wars. OK. Star Wars? Je le crois pas. Non, moi non plus. Il écoute pas de film. Star Wars? Genre, il écoute bien que des documentaires d'Arte, Calis, là, je sais pas. Non, mais c'était genre un gars d'or, mais il voulait avoir l'air proche du peuple, ouais, genre. Ouais, c'est ça. Il a pas étudié, genre, en histoire? Yeah. Who cares? OK, c'est que... Puis, Éric Duhem a répondu... Showgirls. Fight Club. Non. Éric Duhem a répondu Grease. Ah, mon Dieu. Il a répondu Grease. J'étais comme, tu vas pas ruiner Grease pour nous. Tu vas pas faire ça. Hey, c'est chiant. Puis Olivia Newton-John vient de décéder. Mourir. Mais genre pisser sur sa tombe, genre. Hein? Ouais. Elle vient de se retourner, esti. Mais aussi comme, puis moi, pour vrai, à voix basse, quand j'ai lu ça, j'ai murmuré, grosse tapette. Ouais. Comme... Hey, je sais pas si j'ai le droit de rire à ce joke là, mais j'ai Non. Nous on a déjà déterminé dans l'épisode numéro 1 que quiconque est queer peut utiliser le mot tapette d'ailleurs, c'est dans la même sauce. Parfait, ouais. Merci de valider les 15 dernières années de ma vie. Si vous dites, on est là pour ça nous autres. Quand on dit le titre du podcast, si on est straight en contexte, ça le fait, mais décontextualisé, non, c'est ça. Moi, j'ai déjà eu à rassurer des gens sur le fait qu'ils pouvaient dire le titre du podcast, j'étais comme oui, ça. Genre c'est fréquent. Les gens se demandent vraiment s'ils peuvent. Je suis comme oui, dites-les, c'est correct. Mais en contexte, non. Tout ça pour dire que moi, je suis comme, pour vrai, Éric Duhem ne va pas juste gâcher fucking Grease, Calis. Puis deuxièmement, vous avez beau me dire que c'est une histoire d'amour hétérosexuel, il n'y a absolument rien d'hétérosexuel dans la scène où Olivia Newton-John revient avec des pantalons en cuir puis que John Travolta est dans des hanches avec son genre SRC. C'est absolument... Voyons, là. Further gays in the dykes. Voyons, là. C'est sûr. Il doit y avoir un film de porn lesbien et gay, un chac genre de mais ces moi, films-là, c'est sûr. Mais c'est moi, sûr. C'est d'imaginer Éric Duhem en pyjama chez eux, écouter Grease puis être excité comme un enfant. Non, j'ai l'image. Non. Il invite l'autre, le Claude de la galère. Ils se font des pyjama party. Qui? Claude de la galère. Oui, Son nom. Là. Oui, dans Macaroni tout garni. C'est Anne, on niaisait avec Anne elle. Casabonne. Anne Casabonne. Yes. Elle était dans Macaroni tout garni? Oui. Oh my God. Ouais. Ouais. J'ai pas de souvenir de ça, mais ouais. Ouais. Oh my God. Non, je sais. C'est le sujet de la journée. En tout cas, fait que tout ça pour dire qu'on n'est pas tout seul. Ouais, on n'est pas tout seul en esti. On est accompagné par le fantôme d'Éric Duhem, Calis. On est avec Marie Larochelle, travailleuse communautaire, facilitatrice, coach d'OBNL et surtout co-animatrice du podcast Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. C'est pas mon podcast, pour ça que j'ai ce tambour. Mais je l'écoute puis je trouve ça bon. Comment tu vas, Marie? Ça va bien. Yeah. J'écoute pas, t'es invité juste parce que tu nous as invités. Ah, oh, ben écoute, ça valait la peine. C'est juste un payback. I'm just paying back the favor. Non, je suis notorious pour pas écouter de podcast. Ouais. Moi, j'en écoute. C'est comme ça. Moi, j'en écoute pour deux. Cordonnière mal moi, j'en écoute pour deux. Fait que ça c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Un bon point. Comment ça va, tout le monde? Une excellente réponse. Oui. Oui. C'est souvent ça, moi, ma réponse à cette question-là. Ouais. Cœur ouais. qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Ben, je comprends que tu trouves que le son est fort, mais on enregistre un podcast. Sorry. Elle va-tu ouvrir la porte? Ben oui, elle va ouvrir la porte pour de vrai. Ouais, c'est parce qu'on enregistre un podcast, c'est comme pas tellement négociable. on va essayer de baisser le son. On rappelle qu'on est à la halte dans les bureaux de Pivot. Hey, ça puis qu'il y a beaucoup de Français jeunes professionnels qui viennent. L'art de sentir bienvenue. Je pense que je lui ai bien remis. Marie-Hélène garde ça sur le tape. Sérieusement. Alors, on continue de crier, ça m'a quasiment encouragé, moi. Alors, aujourd'hui, puisqu'on n'a pas le choix de composer avec le capitalisme, ouais, et le fait qu'on parle trop fort, on parle du monde du travail. On discute queerness au travail, être une personne queer dans un environnement de travail qui ne l'est pas ou dans un environnement de travail qui l'est. Mm-hmm. On élabore sur l'authenticité, la productivité et le perfectionnisme des queer en milieu de travail. Et on jase queerness et entrepreneuriat, leadership et accomplissement de soi. Hey, on va aller chercher un café chez les rares employeurs qui le fournissent encore gratuitement à leurs employés et on vous revient. Over caféiné. On va juste être dans une compagnie de tech encore. Fait qu'on était dans une autre compagnie de tech parce que c'est les seules compagnies qui offrent des conditions, oui, à leurs employés, parce que quand t'es formé en tech pis t'as un CV de tech, tu peux donc mettre en aller ailleurs si tu veux pis tout le temps faire plus d'argent. Puis c'est les seuls gens qui ont des conditions de travail le fun. Hey, pour vrai, il n'y a personne qui a des conditions comme les autres, tabarnak. Non, ça, c'est drôle, hein, parce que partout dans les médias, ça parle qu'on a le gros bout du bâton, les employés, en ce moment, puis que ça va donc bien la vie. Genre, puis je suis comme, tabarnak, on est-tu en même place, là? Mais comme opinion controversée, ouais, je pense que tu peux en partie créer tes conditions de travail le fun. Mmh. On va jaser, ouais, de tout ça. Mmh. Tu peux créer les conditions dans ta tête. Ce qui nous amène à notre sujet, le travail. Le travail. Comment on trouve ça, être queer dans un milieu de travail qui ne l'est pas? Est-ce que vous avez eu beaucoup de milieux de travail qui n'étaient pas queer? Pas tant, mais c'était pas le fun. Mais non. Non. Ben, tu sais, moi, j'ai travaillé 15 ans dans le communautaire. Puis là, j'y suis encore, mais comme à l'extérieur d'eux. Là, je suis comme consultante. Mais en fait, c'est que c'est juste, c'est des questions de vocabulaire. C'est des questions de référence, ouais, culturelle. Ouais. C'est des questions de show up as yourself. Puis d'être dans un milieu de travail où est-ce que tu sens que ton énergie est comprise, ça vaut pour beaucoup, tu sais. Moi, ce qui me drainait, c'était quand j'avais des jobs où je sentais que je pouvais pas me présenter comme « as queer as I am ». Mm. Genre, tu sais, qu'il fallait... Tu sais, mettons, quand j'étais serveur, là, je pouvais pas juste comme être queer pis funky. Il fallait que je dress up un peu conventionnel pis que, tu sais, oui, je pouvais être cheeky and fun pis faire des jokes, mais, tu sais, c'est ça. Tandis que, généralement, moi aussi, j'ai juste travaillé dans le communautaire style. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, dans le communautaire, qu'est-ce que tu veux, là, j'arrive avec un crop top, là, tu sais, c'est pas grave. Oui. Mais non, mais Chris, oui, payer du 8$ de l'heure, tu vas pas me dire de rallonger mon chandail, là. Tu sais, tu vas rallonger mon slip de paie avant, là. Oui. C'est ça. Voilà. Voilà. Moi, je n'ai travaillé que dans des milieux conventionnels. J'ai jamais fait de communautaire, j'ai jamais fait de faire que, tu sais, comme de dire un milieu de travail queer, non, jamais. C'est pour ça que tu vas bien de même. Probablement. Je refuse de moi travailler avec des militants et des activistes, ça ne se passera plus. Mais parce qu'il y a quand même, des trucs aussi où, tu sais, il y a des normes de ce qui se partage ou de ce qui se partage pas dans les milieux de travail. Puis ces normes-là, moi, j'ai trouvé super hétérosexiste. Oui. Je trouve que c'est vraiment le principe. Non, mais tu sais, c'est le principe aussi de, comme les humoristes qui parlent de leur blonde comme si c'était la pire personne sur Terre. Ça, c'est comme pas de l'humour de hashtag hétérosexuel, genre pour keyword. Mais le moindrement que tu fais mention du fait que t'es queer ou d'une relation queer, là, ouais, ça devient quelque chose de nécessairement gay, tu sais. Mais c'est ça, mais tu sais, dans un milieu de travail conventionnel, parler de n'importe quoi qui implique ta queerness, ça implique aussi de répondre à des questions, de devenir comme le kiosque d'info pour... Ça, genre, je vois un changement ma avec ça. Ma soeur, elle a un enfant qui dit qu'il veut mettre des robes, nanana, pis t'es comme, literally, je t'ai juste parlé de la fois où j'ai popé de la pinotte au stéréo avec mes amis de tapette, là, genre, ça veut pas dire que je suis équipé pour répondre à ça, là. Mais là, moi, en ce moment, il se passe un phénomène très intéressant qui est, tranquillement, pas vite, il y a beaucoup de gens à job qui écoutent de vif le matin. Oui, il y a ça aussi, oui. Fait que ça, c'est très, très drôle, parce que, genre, je me suis posé des questions, genre, fait que, j'avertis les gens, je suis comme là, je fais ça en dehors du travail, c'est des choses que je dis en dehors du travail. Mmh. Genre, ma HR business partner qui l'écoute, genre, je suis comme, ben, c'est pas HR approved, là, ce qui se passe sur le podcast, je te le dis tout de suite, mais tiens, en même temps, le monde est bien open où ce que je travaille, ça, c'est le fun, ouais, mais c'est pas vrai partout. Je dis ça, mais en tout cas, tu sais, j'ai jamais travaillé dans des milieux queer, mais j'ai jamais trouvé dans des milieux, genre, hostiles, ouais, au queer, sauf une fois, genre, j'aimerais call out les aliments Miraval. Bonjour, dans le temps, il y avait un restaurant au métro Henri-Bourassa. Drag her. Oui, oui, oui. Drag her. Dans l'ancienne station Henri-Bourassa, il y avait comme un petit dinner, genre, dans le fond. Puis moi, j'ai travaillé là, puis c'était bien important que je dise pas que j'étais une tapette parce que les chauffeurs d'autobus, ils aimaient pas ça. Puis fallait pas que ça paraisse trop. Mais anyway. Yeah. Ah, j'ai crissé mon camp au milieu d'un chiffre sans même le dire à la personne qui travaillait en avant. Aucune solidarité de classe. J'ai juste crissé mon camp. Je me suis senti mal 45 minutes après. Je suis revenu la voir au comptoir pour leur dire, by the way, je me sens mal d'être parti. Bye. Puis je suis reparti. Mais tu sais, de toute manière, on s'entend, là, le moindre moment que t'es dans un milieu de travail pas queer, tu vas juste connecter avec les queers directement, là. Ben, c'est clair. Puis ça se passe même avant que tu le saches. Comme, je pense que le milieu de travail le plus hétéronormatif dans lequel j'ai travaillé, c'est au Blockbuster pendant 6 ans. Mmh. Puis j'ai fini par me mettre chumé avec les queer et les allies. Oui. Allies. Allies. Allies. Le A, c'est pour allier. Oui. Puis là, il y a comme un TikTok. Faut que je te les explique toutes les références parce que quand tu regardes pas que TikTok. Hey, je vais y voir un mois plus tard sur Instagram, OK? C'est vrai. C'est vrai. Ou dans 20 ans sur Facebook. Oui, c'est ça. Parce que Dieu, Facebook est broken to the core. OK. Fait que Jess, je sais que non, mais Marie, as-tu déjà travaillé dans un milieu de travail à majorité queer ou avec à très comme avec beaucoup de queer? Ben, majorité queer, faudrait que je compte, mais... on veut des statistiques précises. La question, pareil. On veut des statistiques précises. Écoute, si on dit que majorité, c'est 50% plus 1, ça devait passer. Oui, oui, ma dernière job, c'était ça. Oui. Puis toi, ça, c'est quoi tes expériences de milieu de travail queer? Est-ce que c'est quoi qui a de plus le fun? C'est quoi qui a de plus difficile? Parce que moi, des fois, le plus difficile, là, c'est que est-ce que les queer, on est bon pour comme splitter des cheveux en deux, puis... Ben là, c'est la différence entre queer l'orientation puis queer la politique. Oui, moi je parlais, ouais, c'est sûr que là je parlais vraiment de queer politique, pas nécessairement. J'ai pas juste été comme... honnêtement dans des milieux de travail où c'était des queer militants, c'était des gays militants, which is another thing. L'affaire la plus fun, c'est de parler de Drag Race à l'heure du lunch, mettons. Ouais. L'affaire la plus plate. Ben, je sais pas, là. Moi, j'ai juste des bons souvenirs. Oui, mais moi, je dirais que, tu sais, des fois, puis pas besoin que ce soit des milieux de travail officiels, des fois aussi, je veux dire, du travail militant, c'est du travail aussi. Puis là, tu deals avec des queers si tu t'organises avec des queers, tu sais. Puis je trouve que, tu sais, c'est pas. On dirait que des fois, dans des milieux hétéros où, genre, c'est des gars straight qui mettent le poing sur la table puis qui se tapent sa gueule, tu sais, il y a comme une espèce de naïveté de, au final, vu que c'est une guerre de coq, genre. Ils règlent les affaires plus rapidement. On n'est pas nécessairement d'accord avec ni les résultats ni le processus. Mais c'est vrai que des fois, je trouve que ce qui est push entre queer très brainy et politique, c'est que moi, je me sens tout le temps comme la personne qui dit non, en fait. Parce que tu veux tellement tout faire à la fois puis englober toutes tes perspectives puis être sûr de ne pas avoir d'angle mort qu'à un moment donné, des fois, je trouve que on en vient qu'à oublier... la durabilité puis la faisabilité des choses. Puis des fois, comme, ben oui, en théorie, comme ce qu'on est en train de planifier est parfait et très le fun, mais genre, qu'est-ce qu'on a comme ressources, comme temps, comme genre. Tu sais, des fois, c'est vrai que, puis pas pour revenir sur comme les hosties de gratuits de guitare, pelleton, nuage de carré rouge, mais tu sais, c'est vrai que des fois, ça prend juste quelqu'un pour faire comme, okay, mais qu'est-ce qui est faisable, tu sais. Ouais, mais ça, c'est beaucoup. I can be that girl, genre, mais comme, dans des milieux militants. L'affaire qui peut être un peu comme lourde ou démobilisante, puis là, je suis pas en train de dire que comme la cancel culture est partout, mais je trouve qu'il y a comme beaucoup de... C'est peut-être pas de l'autocensure, mais c'est comme, oh là, je vais dire quelque chose. Puis là, on pad comme faux. Là, c'est comme, hey, pour vrai, je veux rien comme... Interprétez pas trop ce que je vais dire. C'est dans un esprit d'amour, nanana. Et de... Tu sais, il faut comme 5 paragraphes avant de dire les affaires. C'est ça. Puis des fois, moi, ça m'énerve. Avant de dire que là, gang, on n'a absolument aucune ressource pour notre projet. Il y a personne qui est manuel. Puis on est en train de planifier, de construire toute une rampe d'accessibilité pour du monde que finalement, ils pourront peut-être pas l'utiliser parce qu'on la fera pas selon les normes. S'il vous plaît. Non, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est juste que là, c'est scandaleux de dire que tu serais la personne, c'est pas que je veux pas, mais là, tu sais, comme, observe, c'est ça, tu sais. C'est vrai que des fois, ces affaires-là, c'est compliqué. Est-ce que l'ouverture ou la fermeture d'esprit des milieux de travail déterminent, selon vous, la proportion de queer qui choisissent d'y aller? Je sais pas. Parce que, mettons, exemple, je sais pas, là, des professions vraiment très chill, laid back et libérales, là, genre en architecture puis en urbanisme, là, c'est yang des hosties de tapettes, là, tu sais. Tandis que c'est vrai. Sérieux, je sais pas, là, parce que ça prend un niveau de privilège pour se rendre à ça, là. Oui, absolument. En actuariat aussi, il y a beaucoup de gens. Ouais, je connais au moins 2 personnes queer actuaires. Good for them, because. They've got them zeros. Tu sais, en tout cas, parce que c'est sûr aussi, ça dépend quel genre d'architecte, ingénieur, whatever, parce que c'est aussi un monde de petits monsieur. Là, quand tu. Tout le monde fait pas l'opéra de Sydney dans sa carrière. Là. Non, effectivement. T'sais, tu regardes à Montréal, il y en a un style, des cubes, là, puis c'est quelqu'un qui est un architecte derrière ça. Non, je sais, mais il y a quand même des milieux où, genre, tu sais, qui attirent vraiment beaucoup de personnes queer. Tu sais, comme on sait, les techs. Il y a de la tapette en esti. Ouais. Tu sais, on sent en plus c'est un queer hub, quasiment les techs à Montréal. On a fait un épisode là-dessus, vierge. Si on avait un épisode là-dessus. C'est que c'est vrai. Bon. C'est que c'est vrai. Sinon. Mais ça dépend, le je pense, du niveau de confort de la personne. Oui, mais c'est ça. C'est parce que là, c'est des enjeux d'accès aux études puis de confiance en soi. On y reviendra. Oui. Mais tu sais, je peux pas parler pour d'autres personnes, mais je sais que pour moi, c'est comme important que ma queerness soit comme accueillie puis puisse être nommée. Puis à la limite que, pas qu'elle soit célébrée, mais que moi, j'aille le droit de la célébrer sans que ça choque personne. Puis ça va même jusqu'aux politiques, tu sais. Oui. Puis là, je vais me outer. Mais genre, j'ai travaillé dans des milieux féministes. Oh my God. Moi, je peux pas travailler dans des groupes féministes à bolo, tu sais, comme le... Tout me lève, tu sais. C'est comme, il y a des grosses différences fondamentales, ou tu sais, des groupes comme laïcs, radicaux, tu sais, comme épuisantes, I can't. Elles sont lâchent pas le morceau. Tu sais, comme, fait que, tu sais, pour moi, mon queer, ma lentille queer puis ma lentille féministe sont vraiment liées. Ouais. Fait que je peux pas arriver dans des milieux qui comprennent pas ces idées-là parce que j'ai pas le temps, hostie, j'ai juste une vie à vivre. Comme, j'ai pas le temps de faire le 101. Pour se taper des abolos pis des anti-sex work. On verra. Dans 15 ans, maybe, je vais avoir changé d'idée, mais en ce moment, ça me tente pas. Yeah. Mais en même temps, je comprends aussi, là, tu sais, c'est vraiment ces groupes-là qui sont genre... Abolo, genre super transforme anti-sex work qui sont comme nous autres, t'sais. Ça nous dérange pas de comme travailler avec des gens qui ont pas notre opinion, mais on reste très ferme là-dessus pis t'es juste comme ben là. Ben moi je suis pour elles vrai. Elles font semblant qu'elles sont pas sectaires, mais t'es juste comme là, tu viens me chercher là. C'est comme si tu veux réfléchir à ça, si t'es pas sûr, mais t'es open-minded, ça va me faire plaisir. Si t'es tranché pis tu changeras jamais d'idée pis t'as écrit 12 000 essais là-dessus pis tu vas encore sur Sisyphe, genre comme on peut pas se parler. Ouais, mais tu sais, moi, pour être dans les milieux non conformes, l'éducation souvent est beaucoup plus lourde à faire. Il y a des concepts de base qui sont juste même pas là. Là. Ouais. Tu sais, genre, moi, non-binaire au travail et tabarnak, que je suis pas rendu là. Dans aucune de mes jobs, je l'ai poussé tant que ça. La dernière, j'en parlais plus à la fin parce que j'étais juste rendu belliqueuse. Là. J'étais comme, tout vous forcez dans le fond de la gorge. Surtout qu'en tout cas, c'était une entreprise qui était dirigée vers un homme queer. Fait que je m'attendais à ce que ça fonctionne plus mieux là-bas. Voilà, c'est aussi loin que je peux aller. J'ai signé un NDA. Ah! Mais là, tu sais, comme genre, est-ce que je le referais, là, le coming out de non-binaire? Là, genre, je l'ai mis dans ma signature. Si on met nos pronoms, à cette heure, dans la signature d'un bureau, c'est bien vu de mettre des pronoms. Je peux vous confirmer, ça s'est rendu à l'extérieur des cercles queer, les pronoms. Oui, oui, oui, c'est bon. Les gens ont découvert qu'il y en avait déjà des pronoms avant ça. Ouais. Là, ils se sont comme, je pourrais juste mettre les miens puis fermer ma calice de gueule. Ouais. Voilà, et les gens commencent à le faire tranquillement, pas vite. Des fois, je mets des dems, je sais que les gens ne le lisent pas, vont pas faire l'effort de le mentionner et vont s'en contre-calisser. Ça, c'est sûr et certain, les gens veulent pas. Tu sais, les gens veulent garder ça bien liberal. S'il y a de la politique au travail dans un milieu conventionnel, c'est de la petite politique liberal, de l'acceptation, la diversité. Ouais, tout le monde ça. A le droit d'être qui il est, mais pas trop. Tu sais, c'est ce genre d'affaires-là. Puis je trouve que c'est un terrain quasiment plus difficile à naviguer que juste fermer ma gueule. Parce que là, surtout moi qui ai de la misère à jauger, c'est quoi la limite de ce qu'on peut dire et qu'on peut pas dire dans un milieu. J'ai pas du tout de misère à le jauger, je fais juste exprès de dépasser la limite à chaque fois. Oui. On va arrêter de se mentir. Puis genre, je prends toutes les occasions qui me passent par là. Mais genre, des fois, je suis comme, ok, genre, c'est quasiment plus chien parce que là, j'ai comme commencé à dire ce que j'avais envie de dire. Mais moi, genre, après ça, c'est sûr qu'au travail, dire fuck le capitalisme, brûler des chars de police, c'est un petit peu plus difficile, mais. J'aimerais ça me rendre jusque-là, moi, à la réception. Mais à l'arrière du front desk, allez, tout le monde. C'est quand même un peu ironique que tu sois contre le capitalisme parce que, ben, tu vas au travail puis tu gagnes de l'argent. Oui. Tu utilises des objets qui ont été fabriqués. Oui, oh my god, tu peux pas être de gauche qu'un téléphone intelligent. C'est ça. En tout cas, je suis quand même du côté de la gauche sacrificielle, mais je vais pas jusque-là. Je vais pas jusque-là. Bon. Non, non, le mal négatif, c'est de vivre dans la cohérence. Veux-tu bien niaiser? Voyons, Calis. Sur ce, moi j'ai entendu dire qu'il y avait quand même un petit startup pas loin que dans le fond, eux autres ils torréfiaient eux-mêmes leur café parce que, genre, c'est vraiment plus cool de juste comme sélectionner une petite ferme que eux autres connaissaient et faire une importation privée pour leurs employés pour leur offrir une expérience, genre, vraiment plus. C'est important d'être mal payé localement. Fait que moi j'irais là me chercher un café. Allons-y. Ça fait qu'on est allé prendre notre petit café dans une shop locale qui achète tout local pour voir des gens mal payés, mais avec une conscience. Yes. Et on les salue, ces gens-là qui nous ont servi notre café, parce qu'on est de retour. On va l'avoir, le capitalisme. On va l'avoir, notre pays, notre capitalisme. À coup d'éthique et de choix de consommation individuelle. Oui. On va les avoir. Oui, réduire, réutiliser, recycler, c'est le programme. Yes. On va gagner. Yes, 1,5 degré. C'est le fun, pas de cynisme. Dans un monde où... dans plusieurs milieux, la diversité est vue d'un très bon œil, hein, parce que justement, on se donne une bonne conscience, parce qu'on essaye, le monde essaye fort, que ce soit dans le communautaire, dans... Je travaille dans une compagnie de tech, là, c'est très en vue. Là, tout le monde tout le monde s'est doté d'un comité Diversity and Inclusion. Mmh. Comment on se sent d'être cette personne tellement acceptée en milieu de travail? Et que notre vie va bien. Le dernier gay avait raison. Ben là, ce que j'ai le goût de répondre à cette question-là, c'est que, tu sais, je veux pas nier les identités en marge que j'ai, mais en même temps, tu sais, j'ai beaucoup de privilèges aussi. Oui. Fait que, tu sais, quand il y a des initiatives EDI en milieu de travail, comme oui, la queerness, c'est nécessaire dans beaucoup de lieux, mais comme moi, je pense surtout, tu sais, aux personnes racisées, puis comme... Fait que c'était quoi la question? Comment qu'on se sent et qu'on est donc accepté dans ces milieux-là? Ben, c'est ça, faudrait leur demander, mais non, il n'est pas réglé pantoute. Est-ce que c'est fait, le capitalisme nous a absorbé? Même dans le communautaire, il n'est pas réglé. Là, je veux dire, il y a encore beaucoup... Je ne sais pas si vous avez déjà vu circuler ça, mais le COCO, le Centre pour les organismes communautaires à Montréal, ont fait un diagramme il y a plusieurs années qui est comme le parcours d'une femme racisée, d'une personne racisée dans un organisme communautaire. Ouais. C'est comme un cycle, dans le fond. Puis ça finit que la personne s'en va traumatisée, pour résumer. Il embauche les gens pour la valeur diversité. C'est de ça. Puis là, comme peur. Dès que shit hits the fan, quand ça get real, tout le monde panique. Les blancs paniquent, puis là, ben, la personne finit par se mettre dehors final, parce que. Cette personne-là a vraiment moins de droits. T'es juste pas un bon fit pour ça. L'organisation. Oui. Nanana, puis on embauche des token people, puis bon. Fait que, tu sais, je pense que pour certaines affaires, il y a du progrès. Oui. Je pense qu'il y a une réelle ouverture. Puis, tu sais. George Floyd, pour vrai, ça change des choses. Comme j'ai vu des milieux de travail OK, là, on arrête de niaiser. Puis, tu sais, je pense que le post-BLM, parce qu'on est encore dedans, techniquement. Ouais. Mais, tu sais, comme la découverte des enfants autochtones aussi, comme. Ouais. Il y a certains milieux de travail qui se sont saisis de ces éléments-là, de l'actualité, pour dire OK, on va arrêter niaison, on va faire du travail pour vrai. Puis, je pense que ceux qui le font le mieux, c'est ceux qui le font en prenant leurs responsabilités, mais en même temps. En acceptant d'être inconfortable, puis en acceptant que c'est un processus en continu, puis il va jamais arriver à un point où ça y est. Ouais. Je c'est pas pour corriger personne, mais comme on dit souvent, les gens ont vu cette chose-là dans l'actualité puis s'en sont saisis pour faire quelque chose. Moi, je veux souligner surtout les gens ont vu la réponse populaire dans l'actualité. Parce que je veux dire, sorry, c'est raide, mais genre, c'est pas une surprise pour personne de voir des Noirs se faire tuer par la police, malheureusement. C'est juste que c'est le moment dans les communautés noires, puis tu sais, je veux dire, ça datait pas d'hier non plus, puis ça datait pas de George Floyd non plus, mais ça l'a ignite quelque chose qui était vraiment, que nous, comme personnes blanches, on voyait moins. Est-ce que là, est-ce qu'on était seulement aveugles? Probablement beaucoup, mais... C'était beaucoup moins in our face. Là, t'as parlé des passionnats. Tu sais, c'est des passionnats. On est tombé dans un undeniable moment un peu. Là, où c'était absolument plus possible de se mettre la tête dans le sable. C'est sûr que c'est pratique. And yet again. Puis aussi, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, le virtue signaling, puis genre faire une dizaine de stories où c'est genre « We don't talk about this, and that. Normalize this, and that. » Puis blablabla, comme « OK, un peu eye roll parce que ça reste des affaires un peu performatives. » Mais tu sais, si le monde a besoin de passer par cette phase-là où il veut être cette personne-là qui partage des ressources puis qui veut être une référence sur ces affaires-là puis qui veut montrer qu'il réfléchit là-dessus, ben tu sais, si ça mène à du meilleur, OK, là, tu sais, fine, je suis capable de vivre avec ça, tu sais. Oui. Moi, c'est plus que comme, souvent, la diversité... Moi, les questions que je me pose sur la diversité... Le mot diversité, est-ce qu'il peut... Toi, t'es n'importe quoi. Oui, vraiment. Mais tu sais, genre, hashtag diversity dans les milieux de travail, c'est juste comme, OK, mais tu sais, comme, qui... Ah, le droit. Qui, deux, trois, non, qui on paye dans ces milieux de travail-là pour construire ces nouvelles normes-là? Ben c'est ça. Moi, c'est ça. Attends, si tu penses que tu vas bâtir ça gratuitement sur le dos de tes employés qui vivent des marginalisations, mais c'est ça. Mais moi, je suis comme, tu veux faire des trainings antiracistes à ta job, mais payer des personnes racisées, tu sais. Voilà. Puis je comprends que c'est beau aussi de faire comme, non, mais on veut s'éduquer entre personnes blanches, nanana, nanana. Puis je suis comme, il y a du monde qui sont payés, tu sais, comme, qui vont venir le faire, puis qui vont te dire straight up parce qu'ils vont être payés. Mais tu sais, encore là, c'est genre. Quand tu payes quelqu'un pour faire des trainings sur des affaires anti-oppressives qui font partie de ces communautés-là, puis parce qu'ils sont payés, ils font un vrai training, puis ils sont honnêtes, t'es-tu prêt à le recevoir? Parce que aussi, ces gens-là te payent. Fait que là, tu sais, jusqu'à quel point tu peux les confronter, tu sais. Moi, c'était ça, dans un emploi qui n'est pas du tout le dernier emploi que j'ai occupé, qui est malheureusement sous un NDA. C'est pas celui-là, ça n'est un autre. On m'avait demandé, genre, ah, Jess, t'as perte de service, genre, t'as une grand gueule, toi, tu pourrais être dans le comité, genre, aka, on va te dire, on t'a donné l'occasion de t'exprimer dans un comité, après ça, on va tout canceller ce que t'essayes de dire ailleurs. Mais, puis là, j'étais comme, ben, est-ce que j'ai une libération de charge de travail, genre, comment on va négocier ça dans mon horaire? T'es comme, mais tout le monde se rend compte après, genre, 5 heures, dans la cuisine. What? Genre. Non! T'es comme, personne n'a le temps pour ça, fait que c'était un petit comité, genre, là, c'était toutes des personnes queer, il y avait beaucoup de personnes racisées, parce qu'évidemment, pour une raison tellement bizarre, c'est tout le temps les personnes qui en ont le plus besoin et qui se retrouvent à faire la job de tout le monde. Fait que là, genre, c'était fucking awkward. Puis j'étais comme, ben non, je suis vraiment désolé. Mais moi, je vais pas participer à ça. Je vais pas, genre, vous donner bonne conscience sur mon dos. Genre, allez, toi, Marie, qui fait du coaching d'OBNL, est-ce que t'as fait des formations NTO par le passé? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans tes cordes? Genre, c'est pas ma spécialité, mais j'ai fait embaucher l'appareil si vous avez besoin. Là. Oui, ben je fais plus du coaching de gestionnaires d'OBNL qui sont comme un petit peu en manque de confiance en soi, qui sont épuisés, qui sont qui ont besoin de retrouver leur passion. Oui, genre. Ouais. Mais est-ce que j'ai fait des formations? Ben, j'ai fait un webinaire, en fait, pour un truc corpo, grâce à toi, Charlie, un contact que tu m'as référé. J'aime ça que ça. Je t'en donne surtout pas la perte parce que je connaissais la réponse, là. Allez pas penser ça, là. Mais oui, dans le fond, j'ai comme co-créé un webinaire sur l'histoire queer au Canada. Yeah! Ouais. Un petit sujet. Mais ça a été une expérience intéressante à plein de niveaux, comme moi j'ai appris des choses en le faisant, mais aussi comme tu sais j'ai appris c'est quoi présenter de l'information potentiellement crunchy en milieu très corpo. Puis tu sais c'est un beau geste d'ouverture que cette entreprise-là a fait, puis de visibilisation aussi d'employés queer au sein de la boîte. Et on voyait qu'il y avait des places où il n'était pas prêt à aller encore. Puis, comme, moi, je suis, en tout cas, dans vie, je peux pas, anyway, je pense pas que je suis capable d'amener quelqu'un plus loin qui a le goût d'aller. Fait que je vais pas, je vais pas faire, tu sais, qu'est-ce que ça me donne de crier dans la face du monde ou des secouer puis de faire, hey, t'as-tu, tu sais, comme, non, tu sais, comme, c'est mieux d'ouvrir des portes des fois, puis c'est le début de quelque chose, puis peut-être que dans deux ans, telle personne va avoir fait un beau cheminement, puis elle va changer le monde, who knows, mais comme, c'est ça, tu sais, comme, je me faisais payer pour quelque chose, on a été le plus authentique possible en préparant cette affaire-là, puis après ça, tu sais, l'entreprise s'en saisit puis décide bien qu'est-ce qu'ils font avec ça. Mais c'est aussi, comme une belle tu peux pas amener quelqu'un où il veut pas. Tu sais, amener le bout de chemin, c'est la personne qui doit le faire. Puis, tu sais, moi, je crois beaucoup en la théorie de la brèche. Genre, tu sais, tant que tu présentes quelque chose d'alternatif, même si la personne est convaincue, tu sais, le jour où elle va comme réentendre à propos de ça, elle va se souvenir aussi de quelqu'un d'autre qui a peut-être parlé, puis peut-être que comme petit à petit, en créant une brèche, à un moment donné, ses croyances un peu stiff vont se désolidifier, puis elle va peut-être changer. Mais à un moment donné, c'est vrai que tu peux pas amener quelqu'un où il veut pas aller. Non, puis ce que j'aime dans la portion en milieu de travail, c'est qu'il y a une certaine permanence. T'es pogné avec ce monde-là. Là. Un coup que tu l'as fait, ton coming out, là, tu vas le revoir lundi prochain, puis le lundi d'après, puis l'autre lundi. Tu vas peut-être même être pogné dans 5 à 7. You don't know that. Ça, là-dessus, ça me fait un peu réfléchir parce que c'est ça, tu sais, tu peux pas trop, surtout, bon, là, je veux dire, tout le monde a vu l'éléphant dans la pièce, c'est ton support system, là, quand même, ton travail, là, pour bien du monde. Là. C'est rare que tu es indépendante de fortune. Je connais pas grand monde, qui n'ont pas besoin de travailler, en tout cas. Si ouais, non, mais tu veux pas dire support system en termes émotionnels plus support system, genre l'affaire qui te garde en vie, ben, c'est ça, le bread and butter, là. Ouais. Fait que t'es comme le come on, Jasmine Kennedy, it's my bread and butter, I'm not afraid, I do that in New York City every night. Oui. tu sais, comme ça m'amène un peu là où je veux aller, qui est comme... Tu sais, comme personne queer, on parle beaucoup de négocier nos limites, faire attention à soi, le self-care, nanana. Puis j'estime, en tout cas moi, j'ai toujours été quand même capable de faire plus ça à la job que la moyenne des gens, je dirais. Il y a beaucoup de gens qui ne s'écoutent pas au travail, qui vont toujours pousser la cote, ben, surtout dans les milieux conventionnels où moi je travaille, là, qui sont pas des milieux queer ou ben, communautaires, même si le monde veut se reposer. Ah, dans le communautaire, le monde non, c'est ça, il n'y a pas de self-care pas en tout, malheureusement. Malheureusement, je vous salue les gens du communautaire. Moi, n'importe qui du communautaire qui vient me parler du fait qu'il est épuisé, je suis comme là, tu réalises que venir me voir moi, c'est le premier step vers quitter le communautaire. Oui, oui. Parce que les gens ne sont pas que tu vas te faire vendre le plaisir si et le bonheur. Viens voir moi, c'est que tu veux lâcher ta job. Oui, c'est ça, c'est, ils savent les réponses que tu vas avoir. Mais comme, c'est ça, tu sais, je me dis, tu sais, comme personne queer, je négocie mieux mes limites, mais puis vous me direz ce que vous en pensez, surtout si vous l'avez vécu ailleurs, mais comme. Là, il y a plus d'ouverture. Il y a une crise des ressources humaines. Là, je sens que je peux dire, moi, je finis à 5 heures, that's it, that's all. Dans d'autres travaux, dans d'autres travails, peu importe l'emploi d'ailleurs, c'était très, très mal vu de dire non, je peux pas rester plus longtemps, ou surtout d'un point de vue carrière. Oui, mais c'était mal vu, mais est-ce que ça mettait ton emploi à risque, tu penses, ou c'était juste un feeling inconfortable qu'il fallait que tu passes par-dessus? Je vais le répondre en deux temps. Pour bien du monde, je pense que ça mettrait leur job en danger. Moi, j'ai l'avantage d'être vraiment bonne dans ce que je fais dans la vie. Fait que je deviens comme trop chiant à perdre, trop dur à remplacer souvent. Fait que malheureusement, pour bien du monde, moi, je peux me permettre des affaires que c'est pas tout le monde qui peut faire. Mais ça, c'est le seul affaire, par exemple. Je paye le prix en esti, je suis dedicated en esti à ma job pour pouvoir dire non, ça, moi, par exemple, je fais pas ça. Puis quand I do all of that. Ça a ses avantages. Ça, là, je t'avouerais que je trouve que je m'en sors assez bien grâce à cette stratégie de je vais donner de la crise de bon ouvrage, mais quand moi je veux. Moi, je trouve ça difficile quand je sens que la pression vient plus des collègues de s'épuiser que d'en haut des boss. Oui. Je sens que des fois, genre, tu sais, des collègues qui savent pas mettre leurs limites, généralement, vont t'entraîner dans ces dynamiques-là de comme, mais là, pourquoi toi t'es mis. Là, t'es poli, mais moi, je les appelle des astis de traite à leur classe. Ah. Bon. Non, mais tu sais, puis... Vous avez travaillé dans le communautaire, c'est ça l'affaire. On non, a tellement une expérience différente. Mais tu sais, moi, je trouve que des fois, travailler dans le communautaire, tu sais, faire réaliser à tes collègues qu'ils en font trop, puis qu'en faisant trop de même, ils entraînent tout le monde dans dans des dynamiques parce que tu règles pas le problème, là. C'est compliqué, je trouve. Mais croire à quelqu'un que c'est possible. On revient à l'affaire de tu peux pas amener quelqu'un plus loin qui est comme... C'est pas ta job non plus de montrer à tes collègues qu'ils en font trop, comme ils vont continuer d'en faire trop s'ils ont envie d'en faire trop. Ben ouais, mais moi, là où ça me dérange, c'est que moi, je suis bon pour mettre des limites dans la vie, surtout dans les milieux de travail, mais en même temps, c'est vrai que de ma positionnalité... Tu sais, genre d'être un homme cis blanc, c'est sûr que pour moi, c'est plus facile de mettre des limites puis qu'ils sont plus acceptés aussi. Oui. Fait que tu sais, c'est comment tu négocies là, comme ben, je vois c'est quoi les identités des gens qui en font plus puis qui vont pousser leurs limites. En même temps, moi, fondamentalement, éthiquement, je pense qu'on devrait pas. Oui. Puis je veux pas. Puis j'aimerais ça comme qu'on se communique ça entre collègues, qu'on se regarde de bâtir des solidarités comme pour choisir nos batailles ensemble, mais c'est compliqué. Oui. Parce qu'après ça, il y a des trucs d'intentionnalité, mais il y a aussi des trucs de comme ben de manque de ressources, de temps pour se communiquer ces choses-là, de comme métacommunication sur comment on gère le travail des limites. Mais tu sais, entre collègues, tu sais, c'est dur quand t'es au même niveau de, tu sais, là, je parle pas des milieux horizontaux parce que moi, j'ai pas fait l'expérience de ça, des milieux horizontaux. Je suis pas sûr que ça se peut. Ça a l'air que ça se peut, mais j'en ai jamais vu. La rumeur court que, mais en tout cas. Des affaires autogérées? Ouais. Ça ferme après 2 semaines. il y a des places, là. Il y a des places qui font on le sait comment cool, ça finit. Mais ça dure 6 mois, puis tout le monde brosse sur un travail qui n'a jamais été fait, mais invisibilisé. mais je veux dire... Je pense que ça part du leadership, tu sais. Puis c'est pour ça que j'aime tellement ce que je fais maintenant. Mmh. C'est que je veux habiliter les gestionnaires du communautaire à mieux prendre soin d'eux pour être un exemple après ça pour leurs employés, pour leur dire vous avez le droit aussi. Moi, une des affaires les plus powerful que j'ai vues dans un milieu de travail, c'est un boss qui est vulnérable avec moi, qui me dit hey, en ce moment j'en ai trop, ou tu sais, qui est juste dire hey, non, mais ça se passera pas. J'apprécie ça bien plus que quelqu'un qui me dit oh, ouais, je vais tout faire ça, puis qui jongle avec comme 12 assiettes en même temps, puis là, 3 semaines après, ils échappent tous. Exactement. Et puis moi, je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais souvent, être épuisé, c'est pas un signe que t'as bien travaillé puis t'en as fait beaucoup, non. Genre, pas nécessairement. Genre, ça peut être un signe du contraire. Mais la grind culture, ça, c'est une des affaires. Oui. On parlait de contradiction tantôt, là. Une des plus grosses contradictions, c'est comment le milieu communautaire est axé sur la performance. Ah ouais. C'est wild. Ben là, on a d'autres standards de c'est quoi la performance, là. La performance de performer à quel point tu cares pour ta job. Ouais, ça, mais il y a aussi, tu sais, c'est parce que, en tout cas, je trouve que tout descend toujours un peu du système dans lequel on évolue, mais tu sais, genre, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a beaucoup de « je vais justifier tout ce que j'ai fait aujourd'hui sur papier dans le communautaire aussi ». Il y a pas c'est ça, moi? Genre? C'est pas vraiment sur papier, mais c'est dans l'informel, il faut que tu le dises. Tu sais, moi, je trouve que je, ça, souvent... Ça, que je veux tout le monde comptabiliser des affaires, puis... Moi, c'est plus dans des jobs communautaires, des fois, je me retrouvais dans, genre, on prend du temps de réunion pour parler de ce qu'on fait, parce qu'on veut ça, qu'on fait des affaires, pour... puis moi, j'étais comme, moi, je vous trosse, là. Je sais que vous faites des affaires. C'est pas grave. J'ai pas besoin d'être au courant de ce que vous faites dans votre semaine parce que je sais que vous savez prioriser vos tâches. J'ai pas besoin d'avoir ouais. comme, de vous surveiller ou de comme mm-hmm. ça à vous. Des fois, je trouvais que c'était là l'espèce de performance du je care pour ce que je fais des affaires non importantes. Puis il faut que j'aille là. Puis moi, j'étais comme tu passerais une semaine où t'as pas fait 1 million d'affaires, tu en as fait 3, t'es bien fait, je serais juste content. T'as pas besoin de performer le burn-out aussi tout le temps. Ah mon Dieu, ouais. Mais non, c'est ça, c'est ça. Ah, mais ça, je l'ai vécu en hostie, là. Moi, j'ai travaillé 70 heures cette semaine. Moi, j'en ai travaillé 80. Si vous avez déjà fréquenté un département ouais. de vente dans votre vie, genre sales rep, là, des sales purse, c'est pas juste genre vente en magasin, mais genre vente, là, au téléphone, puis tout, là, que t'as des quotas, puis tout, là. Elle pourrait mark safe from fréquenter un département de vente. Hey, vraiment. C'est que ça a l'air intense, là. Moi, j'avais ça à mon ancien job, j'étais comme tabarnak, là. Ça restait jusqu'à 10 heures le soir, fallait que ça fasse ouais. des chiffres de fou, puis c'était écrit dans les fenêtres, là, mange, vend, dors, vend, J'étais comme tabarnak! Mais ça, quand t'es payé à commission, au pire, c'est comme, tu sais, tu choisis. Tu sais, dans le communautaire, c'est parce que t'as pas de reward, là, quand t'en fais plus. Puis moi, c'est beaucoup le concours des heures accumulées, là. Hein. Moi, j'ai 50 heures accumulées. Mais bravo, Carlis, prends-les, ouais. tu sais. Ouais, prends-les. Ouais. Prenez-les. Oui, oui. Prenez-les. Ouais. Puis si le monde la job... Mal, comme vous allez revenir. La job... Si la job que t'as besoin de faire, si ta description de tâche, ça rentre pas dans le nombre d'heures que t'as à faire par semaine, ben il y a un problème. Oui. Puis va rencontrer ton gestionnaire puis te dit, hey, je peux pas là, je peux oui. pas faire ça comme du monde. Mais non, mais ça, le monde des gars, choix. Nasty, hein? Oui, mais absolument. Ça, le monde sont drillés à ça en travail social. Le monde pense qu'ils n'ont pas le droit là, de demander ça. C'est ça. Mais quand j'étudiais en travail social, il y avait déjà du monde en travail social qui allait dans les AG de la fèche, genre l'association de sciences humaines à l'UQAM, pour dire, mais on peut pas prendre un jour de grève, nous autres on est en stage puis on voit des gens, notre travail est trop important. T'es déjà drillé à ah, mais que, c'est ça. Ouais. Pis t'es comme, là, t'es en train de me dire que tu prendras pas de vacances à Noël. Là. Ça va, là. Mm. Voyons, calice. Ah, mais c'est ça, je veux dire, pour des affaires. Tu, là, man, c'est le département de danse qui a besoin de pratiquer. On les a tous tués, on les a tous tués. Le département de danse, j'ai vu ta face changer. J'étais comme, j'étais triggered, hein. Non, mais moi, quand le monde avance. Moi, quand le monde avance, il venait dire, mais c'est parce que si on n'a pas de studio pour pratiquer, j'étais comme, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? En plus, c'est tendance contemporaine. Là. Ils vous apprennent à courir et à arrêter en étant essoufflé tous les deux hosties de secondes. Mais c'est aussi. Excuse-moi, mais tu sais, c'était toutes les études de logique de, comme, je sais pas, le travail social, sexo qui sont super, genre, dans le je veux mon diplôme pour entrer sur le marché du travail pour pouvoir me payer un condo avant 25 ans, là, whatever. Là, tu sais, que j'étais un peu comme je m'en calisse. Moi, je veux que les frais de scolarité soient moins chers pour le monde à l'avenir, tu sais. Puis après, c'était juste le monde en danse qui ont le taux de placement le plus bas ever, là. Comme, ils s'en vont pas travailler, ils sont comme non, mais je. Puis je comprends que c'est plus le fun de danser dans un studio que dans ton salon, c'est pas la même affaire. Je comprends que t'as besoin. Mais là, on va comme take one for the team. Là, alors, je vais danser dans la rue pour yeah. Get over yourself. La gratuité scolaire. Step up, salon, step up tu peux tout faire de ton salon à cette heure. Hey, gars. Là-dessus. On va aller chercher un café. On va aller chercher un café d'abord. On va aller chercher un café. Non, on va aller chercher un café d'abord. On va aller chercher un café corporatif. Un café corporatif. Ouais, ouais, dans, ouais, une ouais. Tasse, dans une tasse corpo, deux fifs le matin. On va avoir toute la meuche deux fifs le matin. Ah! Ouais, on va faire des machines à espresso, de grosses crises de machines à espresso. Des machines à espresso! Wow! Des cafetières à filtre, oui. Des French press. Oui. Des, on va en fait, on va lâcher le podcasting pour donner détaillant d'articles de café. Ouais. C'est une bonne idée, ça, détaillant d'articles de café. Puis on va revenir au café unique. Oui, on n'a rien besoin de vendre. On n'a rien de s'en servir. That's it. Bye. Bye, on revient. Non, on revient, là. Raccrochez pas. Bon, okay, maintenant qu'on a fait fermer tous les magasins en petite Italie, parce que c'est nous autres les plus spécialisés à vendre oui. Des machines à café Benny de Fif le matin, on vous est revenu over caféiné. Deux fifs le matin, les meilleures machines à café sur le marché. Yes, that's it. Voilà. Est-ce qu'on est bon à business du capitalisme? Oui, dans notre magasin, c'est juste la petite toune qui joue en boucle. Fait que parlant d'entrepreneuriat queer, parce que c'est là-dedans qu'on s'est lancé. D'entrepreneuriat queer. Tu sais, bon, même si les grosses entreprises qui essayent de se queeriser nous font eye roll comme pas possible, c'est quoi les formes d'entrepreneuriat queer qu'on soutient? Les saunas. Oui. Achetez le G.I., hein, il est en vente. Achetez le G.I. Joe, hey my god. 3 millions. Personne, 3 millions. Faites attention à ce que vous allez faire avec. La dernière personne qui voulait l'acheter était comme, on va faire une soirée inclusive mensuelle. Puis j'étais comme, what about the rest of the fucking month? En tout cas, partez-moi pas. Mais, en tout cas. Mais moi, je... Oui, les saunas, je supporte ça. Pour vrai, si quelqu'un a 3 millions qui traîne, s'il vous plaît, oui, on le Vega, le vidéo Vega, le village, je supporte ça. Ah mon dieu, tout est à vendre dans le village, Colin. C'est-tu à vendre, ça aussi? Mais non, je pensais que c'est ça que tu disais. Non. Je suis pas en train de mettre ça en vente, là, c'est assez, là. Hey, d'un coup, mais non, mais c'est juste, faites pas finir ça comme le drugstore, à juste comme attendre que ça vaille plus rien pour le décalisser, pour genre construire un autre bourbon. Oh my god. Anyway, c'est quoi les formes d'entrepreneuriat queer qu'on soutient? Ben, moi, ceux que j'ai vus que je trouve nice, c'est, ben, évidemment, des affaires de sextoy, oui. des bijoux, des librairies, des chandelles. Mais il y a plein d'autres affaires qu'on n'a pas vues encore parce que le monde, tu sais, tant que tu peux pas, faut que le monde les imagine, oui. Les formes d'entreprise queer qu'on veut voir. Là, tu sais, il y a comme un petit éventail de possibilités, mais je pense qu'on pourrait comme... Ben non, pis c'est vrai là, qu'à un moment donné, ben oui, là, genre, l'espèce de éthicisation de tout, genre, ça devient comme gossant dans une espèce de capitalisme de sideline où, genre, tout le monde vend des affaires artisanales à gros prix. Oui, les passive income, pis les. Oui, non, mais qui te font te sentir comme un peu plus attaché à la personne à qui tu l'achètes, pis là, là, mais genre, ouais, au final, si je veux acheter des belles chandelles pour la fête à ma soeur, j'aime mieux que ce soit une personne queer qui les fasse, pis que ce soit cute, pis que, tu sais. C'est vrai, j'embarque dans ce game-là, puis j'aime ça. Moi, ouais, mais tu sais, c'est toujours un peu le... tu sais, je veux dire, on s'empêchera jamais de mettre des plasters, là. Je veux dire, oui, je veux la fin du capitalisme, mais possiblement le plus rapidement possible, si on pouvait get on to it, mais comme... Des déménageurs queer, des services de visioconférence queer. Oh my god, queer. Une gang de déménageuses lesbiennes, pour vrai, s'il y en a. Yes! Non, mais ils te passent d'un appart à l'autre, toi, c'est sûr, c'est efficace. Ils te passent dans la téléportation. Ah aussi. Oui, ils te passent d'un appart à l'autre, j'aime ça. Ouais. Mais, qu'est-ce qu'on disait? Quelle forme d'entrepreneuriat queer on soutient? Ouais, ben, je veux dire, déjà, si c'est queer, ça va. C'est sûr que j'ai un faible pour n'importe quoi qui prend des petits risques. Genre, on a parlé des sextoys, on a parlé de ces affaires-là. Après ça, je veux dire, c'est des business qui sont pas faciles à faire vivre. Parce que quand on parle de vrai retail, je veux dire, tu peux confectionner tes choses toi-même, mais quand on parle de retail, il faut que tu aies un fonds de commerce pour l'acheter ton retailing. Tu peux pas juste débarquer, genre, j'ai un magasin avec 200 dildos, 300 strap-on. Non, mais là, tu te fais un plan d'affaires, puis là, tu vas demander un plan prêt d'affaires, c'est des affaires banque, de blancs bourgeois qui sont allés à l'école privée. Hey, là, le monde j'en ai pas fait un ça, la là. Semaine passée. Ouais, mais. Moi, tu peux pas me faire un plan d'affaires, personne qui me finance, là. Ben là, c'est parce que. En tout cas. Vas-y, Marie, pop off! Non, mais c'est parce que we don't coach without permission. Est-ce que tu voudrais que je te pose une question de coaching, oui, mettons? Bien sûr, oui. Mais si je te disais que c'est en partie comme parce que tu penses qu'il y a personne qui va te financer. Puis là, je suis pas dans le temps la manifestation, mais non, comme non, mais si t'es convaincu qu'il y a personne qui va te financer, il y a personne qui va te financer. J'ai parce que t'arrives avec une énergie. Genre, je sais déjà qu'est-ce qu'ils veulent pas me donner. Fait que j'ose pas trop imaginer. Mais c'est ça. Fait que combien d'essais t'as fait? Oh, 3 gardes. OK, ben c'est ça. Mais peut-être que t'as besoin comme de... Oh, t'as besoin de 12 business, noms. Là, non, mais mettons que tu voulais, peut-être que t'as besoin d'entendre 12 noms avant d'avoir un oui, tu sais. Ah, ça, c'est vrai qu'il peut y avoir 100 personnes dans une pièce puis 99 qui croient pas en toi. I'm Italian. Puis tu sais, comme... Je vais répéter quelque chose d'autre que les gars dit. Charlie Morin. I'm Italian. Je vais juste répéter d'autres choses que Lady Gaga. Tu peux bien rester 15 minutes au portée de Lady Gaga, c'est ça ta citation. Oh my god, I'm Italian. C'est ça ta quote de Lady Gaga. Non, mais le super cut de Lady Gaga qui dit qu'elle est italienne, c'est fucking. Ah, ça existe, ok. Ah, je pensais que tu faisais juste genre parler de quoi de random. Mais c'était pas sur TikTok, fait que tu le savais pas. Non, mais moi, sur YouTube, il y a encore du bon stock pour vrai. Just an Italian girl from New York. Fait quoi, tout le monde, on bâtit un plan d'affaires, ça presse. Ouais, on pourrait non, c'est mais en chiant, même temps, tabarnak, mais c'est ça chiant, se fait. C'est chiant, mais c'est vrai qu'à un moment donné, à comme être. anticapitaliste, contre-culturel, blablabla, ben au final, on s'éduque moins sur le literacy qu'il y a autour de ça, puis on se fait clencher par du monde qui ont zéro mêmes valeurs politiques que nous autres, mais qui sont plus business savvy. Pendant qu'on débate, genre, est-ce que c'est éthique ou non d'avoir de l'argent, pendant ce temps-là, millionaires keep making money, genre. Ouais, ouais, ouais. Comme, make it trickle down, comme... Puis aussi, moi, ce qui me fait chier, c'est que là, maintenant, en tout cas, moi, je l'ai vu, je travaillais pour la plus grosse conférence sur le VIH qu'il y a dans le monde, qui était à Montréal cet été, tu sais. Puis tu vois que, genre, toutes les grosses pharmaceutiques, là, qui vendent des médicaments à gros prix partout dans le monde, qui ont des brevets pas cassables ou, genre, dans des pays à, genre, moyen ou faible revenu, ils vont vendre ces médicaments-là super chers, des dégueulasses. Ouais. Tu sais, là, maintenant, ils reprennent aussi le langage social warrior justice, puis ils vont mettre de l'avant leur programme, puis ils vont vraiment être dans des images, dans des trucs d'empowerment, puis genre, tu sais, alors qu'ils mettent quoi, là, une couple de millions là-dedans, là, puis ça a l'air gros parce que nous autres, on est nono, puis on comprend pas le scale que, genre, ces entreprises font, mais tu sais, ils sont aussi riches que Mac, là, genre, ils sont aussi riches que Apple, là, ça a pas d'allure comment ils sont profitables. Fait que ça, après ça, quand ils font des programmes à 5 millions, nous autres, on est comme, oh my god, heartwarming, il y a de la communauté. Non, est-ce-t-il, là, ils en ont vraiment plus, ils ont juste compris comment nous le vendre parce qu'ils récupèrent notre langage de justice sociale, puis ça, ça résonne avec nous autres, puis c'est intelligible pour nous. Oui, mais c'est ça, tu sais, c'est l'hostie de. Je suis sûr, j'ai déjà dit ça cette saison aussi, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà eu. Mais genre, l'hostie de capitaliste qui a la capacité d'absorber toute calice, c'est lourd, genre, puis justement, pourquoi? Parce qu'on a la nécessité d'y participer. C'est à peu près impossible de s'en sauver. T'sais, c'est pour ça, genre, j'aimerais bien ça, critiquer l'entrepreneuriat queer, le capitaliste. Genre, ça serait bien le fun de faire une critique de tout ça, mais comme. Sinon quoi, pas travailler du tout puis vivre de gazon, esti? J'ai vu un post sur Instagram la semaine passée puis je suis pas sûre que je le comprends au complet, comme faut que je décante avec ces là, faut que j'en comprenne plus, mais c'est quelqu'un qui disait comme there's a difference between commerce and capitalism, puis c'est pas parce que tu fais du commerce ou comme que tu as un business, tu fais de l'argent que c'est parce que le commerce précède le capitalisme de comme plusieurs milliers d'années. Là. Oui. Je veux dire, dans l'Antiquité, ils vendaient. Ah oui, il y avait des marchés. Ils vendaient ses petits colliers. Ben là, oui, là, same thing que la fille qui vend sur Etsy aujourd'hui. Tu sais, comme. Faire de l'argent, on a un peu démonisé ça. Puis, tu sais, même moi, là, j'ai fait du travail là-dessus. Tu sais, comme, en tant qu'entrepreneur, comme, augmenter tes prix, tu sais, accepter d'être payé à ta juste valeur. Puis là, ben, il y a un organisme cool qui t'appelle, là. Tu peux-tu présider mon assemblée générale? J'ai un budget de 50$. Ben non, esti, je m'excuse, tu sais. Il y a peut-être quelqu'un qui est willing, qui fait du pro bono. Ouais. Mais c'est pas moi, parce que moi, il faut que je paye mon loyer, tu sais. Ouais, yeah. Non, c'est vrai ça. Puis, OK, mais justement, tu sais, comment on combat ce syndrome de l'imposteur-là de faire comme. Ah, mais on me propose 50$, ils sont cool, puis dans le fond, je suis qui, moi, pour dire non à 50$, ok, je vais le faire. Tu sais, comment on combat, genre, un syndrome d'imposteur comme personne queer qui cherche à faire sa place de manière indépendante dans des milieux, surtout freelance? Ben, moi, je prends les gigs pas payantes, fait que j'ai pas le syndrome de l'imposteur. Ben, c'est du travail sur soi, là. Moi, c'est du coaching que je fais depuis comme quasiment 2 ans, puis j'ai investi. Du monde, je paye du monde pour me faire examiner les limitations que j'ai dans ma tête, puis dire pourquoi tu penses ça? Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Mm-hmm. Et si tu pensais d'autres choses, puis je pratique, tu sais, c'est un peu de la programmation neurolinguistique, même si je sais pas tant c'est quoi cette affaire-là, mais tu sais, tu te répètes des affaires, puis là, ben, ça génère des sentiments dans ton corps, puis à partir de ces émotions-là, ben, tu prends des actions différentes, puis tu as des résultats différents. Oui. Puis il y a des affaires que ça prend pas de temps à changer. Des fois, tu vois du progrès super vite sur une affaire, puis il y a des affaires que pendant des mois, puis des affaires, ça revient. Tu sais, c'est comme. C'est un constant unlearning. Oui. Là. Non, puis aussi, je trouve que surtout pour des affaires freelance, des contrats spécifiques, des gens qui sont assez versatiles dans leur skill set, qui font surtout des contrats de soutien, tu sais, je trouve que c'est facile de sell yourself short, mais aussi il y a du monde qui vont tellement overblow la facture parce que justement, avec ta... Fait que tu sais, comme moi, je trouve que des gens qui. Sont capables de charger plus cher, mais d'expliquer pourquoi qu'ils le font. Je trouve que tu commences tout le temps plus sur une base comme honnête de quand la personne est vraie, puis c'est le travail qu'elle va deliver. Je trouve que comme à un moment donné, il y a un piège aussi à vouloir payer le plus bas prix, parce qu'à un moment donné, ben, c'est vrai que, genre, oui, la personne va le faire, genre, pro bono, parce qu'elle aime ton organisation, ta mission et tout, mais à un moment donné, genre, c'est vrai que passer le temps qu'elle a été payée, puis que c'est du temps d'over, ben, c'est plus difficile de genre te retrousser les manches, faire comme ok, je vais le finir, je vais le wrap it up. T'sais, c'est sûr qu'elle va prioriser autre chose. Puis comme... en même temps, ben, c'est pas tout le monde qui a les moyens de bien payer leur monde. Fait que c'est chiant aussi. Parce que c'est du travail de qualité. Il y a deux choses l'une. On démonise beaucoup l'argent, Mais moi, à ce temps-là, je trouve qu'on démonise beaucoup le bénévolat. Genre, c'est-tu payé? Non, je vais pas. Il y a beaucoup de ça. Pas parce que c'est pas correct. Je dirais pas que c'est de la démonisation du bénévolat. Ah. Je trouve ça gros, mais OK. Ah, moi, j'en vois beaucoup là, du monde que s'ils sont pas payés, si ça apporte pas quelque chose, j'en sont comme pourquoi je... Non, on paye le monde, ça suffit le bénévolat. Mais moi, je trouve ça correct de demander d'être rémunéré pour du travail. C'est correct. Je pense qu'il y a une question d'équilibre. Mais je pense que dans les milieux militants, on est trop dans le genre, il faut faire du travail gratuit. Puis je suis comme, sois intentionnel avec ton travail gratuit. Mais je trouve que des fois, il y a une espèce de pensée magique de, on a un travail à faire qui demande une spécialisation, on va trouver quelqu'un pour nous le faire gratis. Puis je suis comme, si t'as pas le contact, tu tomberas pas tout seul. Non, non, c'est clair. Mais tu sais, je veux dire, nous autres aussi, là, on a jamais payé pour la personne qui a fait le visuel de Deux Fifs le matin. On n'avait pas une crise de scène. Allô, Marin, merci. Allô, Marin. C'était fin. Tu sais, à un moment donné, il y a quand même un système d'entraide qui existe encore. Après ça, c'est sûr, ça, je veux dire, si t'as pas l'énergie, t'as pas l'énergie. Là, t'as pas te sentir mal de pas le faire. La culpabilité, en général, je conseille pas. Qu'est-ce que t'en penses, Marie? La culpabilité? Ou de toute mon affaire. De tout ça, il y avait beaucoup d'idées. Qu'est-ce que t'en penses de la culpabilité d'abord? Oh, ça sert pas à grand-chose, mais on vit, tu sais, ça fait partie de la vie, il faut apprendre à dealer avec, mais ouais. Généralement, c'est pas utile. C'est comme la honte, c'est comme un peu inévitable. Qu'est-ce qui est mieux, se sentir coupable de charger ou pas charger parce qu'on se sent trop coupable? Ah, se sentir coupable de charger puis apprendre à plus se sentir coupable. Okay. Moi, je pense que c'est ça. Ouais, toi, t'as été mon. On charge pour du travail, ouais. C'est correct. Puis une autre affaire qui aide aussi, c'est que. Tu sais, je suis quelques entrepreneurs aussi sur les réseaux sociaux, puis comme entre nous autres, on s'entraide à dire comme non, on charge tes prix, tu sais, monte. Moi, il a fallu plusieurs consultantes qui me disent tu peux charger plus cher, comme c'est vraiment trop bas ce que tu charges, comme voici les prix du marché, also, comme les organismes peuvent avoir des subventions pour avoir recours à tes services, la subvention maximum de l'heure, c'est ça, fait que tu pourrais monter jusque-là sans problème. Là, en ce moment, j'ai comme une stratégie, oui, excusez le micro, en ce moment, j'ai comme une stratégie de pénétration du marché. Fait que j'ai des prix un petit peu plus bas, puis là, ben quand je vais être haut, quand je vais être full booké, ben je vais monter mes prix. Mais là, en ce moment, c'est pas ça. Fait que là, en ce moment, c'est pas trop cher à travailler avec moi, mais c'est pas gratuit non plus. Non, mais l'affaire aussi, c'est que c'est tough de parler de ces affaires-là, parce que surtout quand tu fais du freelance, t'es tout seul, t'es isolé, c'est toi qui fais tes affaires on your own. Fait qu'il faut que tu réserves. Ah, faut que tu bases. Ouais, faut que tu bases ton réseau, c'est clair. Mais aussi, tu sais, en tout cas, quand tu veux le faire avec. T'sais, j'imagine que les gens avec qui tu travailles, justement, vu que c'est du communautaire, vu que c'est des gens qui font du travail nice, qu'on aime, qu'on apprécie tout le temps. T'sais, comme, il faut que tu te délaisses de cette culpabilité-là de charger parce qu'à un moment donné, c'est ta job, là. Faut que t'en vives, t'sais. C'est ça, puis genre, sans animosité, là, si t'as pas envie de me payer ce que je te demande de payer pour le service que j'offre, parfait, je te souhaite de trouver la bonne personne. Oui. Comme, tu sais, il y a un organisme qui m'a contacté l'année passée ou cette année, en tout cas pour une AG. Elle m'a dit mon maximum, c'est ça. Ben, j'ai dit, moi, je ne charge pas en bas de tantôt, temps. Tantôt, j'ai dit 50. T'as donné l'exemple de 50. Non, mais non, c'est moins ça. Non, mais même. C'est-tu 50? Non, ça, c'était plus récent, mais. Nomme l'organisme. Drag them. Mais dans le fond, puis la directrice, elle m'avait quasiment fait des remontrances sur le prix que je chargeais. Puis là, j'étais comme, gars, écoute, là. Non, là, c'est ça. Trouve là ta personne qui fait ton rabais, là, d'amis, là. Oui. Je te le souhaite. Oui. Mais on n'est pas fait pour travailler ensemble et c'est tout, tu sais. Oui. Non, puis aussi, comme, des fois, justement, quand on vit beaucoup de culpabilité avec le commerce qu'on fait, le prix qu'on charge, la valeur de notre travail, ça fait aussi que ça ajoute de la charge émotionnelle dans, genre, qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui l'est pas, pourquoi tu le fais et tout. Fait que, tu sais, là, c'est là que, mettons, ben non, je le ferai pas, ça devient comme moins bien reçu, puis t'es juste comme, babe, it's business. Ça demande du courage, puis ça demande aussi de te répéter, en tout cas dans mon cas, non, mais c'est les comme ça émotions qu'on... des autres ne sont pas ma responsabilité. Mais c'est comme Madame ça que tu... Chose, elle filera comme qu'elle veut à propos de mes prix. It's not my problem. Mais c'est comme ça que tu t'éreintes puis que tu te brûles aussi de faire comme « Ah, mais là, c'est vrai, je me sens mal aussi. » Fait que là, toi, dans ton émotionnel, là, tu te sens pas bien. Fait que là, tu te forces à faire des choses, à te fatiguer, à genre, t'sais. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'en veux plus des burn-out. Là. Moi, j'en ai trop fait. Je comprends. Je comprends. J'aimerais mieux que pas aussi. Non, moi, je sais pas. J'essaie de garder la balance. C'est sûr que je veux pas mal au burn-out. Un burn-out par année. Non, non, je pense que je suis assez bonne dans mettre mes limites dans la vie. Just, c'est comme, mais moi, j'ai cédule, tu sais. Moi, je me dis, en hiver, l'hiver, là, tu sais, on sent moins si je m'en tape un petit. Le pire, c'est que je calcule beaucoup avec la clarté. Genre, je compte, vers cette saison-là, il y aura pas grand-chose à faire anyway. Fait que je peux être brûlé, ça me dérange pas. C'est picon. Ben, généralement, après la saison de vif le matin, c'est genre le burn-out après Noël en plus. Fait que je suis tout le temps comme, c'est parfait. Moi, c'est la parfaite saison pour être fatigué. Ouais. Mais genre, tu sais, c'est sûr que moi, j'y crois un peu à la balance. T'sais, je sais que je suis capable d'en donner. Je sais qu'il y a des places où je charge. Il y a des organismes que je suis comme, non, vous avez de l'argent, Calis, vous allez me payer, là, ça c'est sûr. Des fois, si quelqu'un me demande quelque chose de gratuit, souvent je vais checker c'est qui ou quoi. Genre, t'es quel organisme? Qu'est-ce que tu fais? Genre, je suis en train de mettre la main dans l'engrenage, puis vous allez m'appeler à tous les deux Calis de semaine pour faire de quoi de gratis, ou c'est vraiment quelque chose d'intéressant, mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est ça, c'est de pas se brûler. Parce que souvent, puis je trouve que c'est la réaction qu'on a, c'est on s'est brûlé, fait que là après ça, on est comme là, je peux plus. Ouais, c'est ça. On aurait bien plus de monde au front si on faisait pas de burn-out. Ouais, ben c'est pour ça que je veux. Revenir. Exactement. Parce que quand tu pètes aux frettes, même si tu prends un break, tu reviendras pas après, là. Tu vas pas recommencer ça puis prendre le risque de refaire un autre burn-out. Ben, là, tu vas pas. Peut-être revenir, mais bien longtemps ouais, après. C'est ça. Comme on parlait souvent, de militance tantôt, là. Moi, j'ai fait un chaudé, craint l'eau froide, kind of phénomène, là. Chaud chaudé, craint l'eau froide. T'as vraiment entendu ça? C'est chaud chaudé, craint l'eau chaude. Non, c'est chaud chaudé, craint l'eau froide. Il s'est fait bouillir une fois, il va craindre l'eau froide après parce qu'il s'est fait bouillir une fois. Oui. Ok, mais je vais te croire. Ça veut dire que t'as peur pour rien un coup que t'as eu peur. Attends, ouais, c'est chaud chaudé, quoi? Chat est chaudé. Chat est chaudé. Crain l'eau froide. Moi, je pense que c'est l'eau tiède. Moi, je pense que c'est l'eau tiède. Ça peut être l'eau tiède. En tout cas. Toi, tu vois un 6. Moi, je vois un 9. Moi, je vois un 69. Qu'est-ce qu'on disait? Là, la balance. Oui, la balance. Ben, c'est ça. C'est parce que souvent, c'est ça. C'est qu'il y a comme un cycle, en fait, qui s'entretient. C'est que là, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Oh my God, on peut plus. On n'a plus le choix. On prend off pendant 3 mois. On revient. On n'est pas tout à fait rétabli encore, mais oh, faut donc que je revienne. Ouais. Là, au début, on revient, puis on est ferme. Puis là, on finit par. On en prend un petit peu plus, puis un petit peu plus. Tu sais? Puis moi, je souhaite à tout le monde de ne pas arriver là, puis de voir les signes avant-coureurs bien avant. Puis justement, fait que ça prend du courage, puis beaucoup d'intentionnalité, puis de la awareness, là, pour comme dire, hey, pour vrai, je m'en vais parce que j'ai pas le goût d'aller. OK, on revient. C'est quoi ma stratégie, là? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de me rendre au bord du gouffre ou carrément dans le vide, tu sais? Pas pour revenir sur le bon vieux saying de nous sommes tous des produits dans notre société, mais nous sommes tous des produits de notre société. Donc, même si c'est fâchant, beaucoup de notre sentiment d'accomplissement passe par le travail. Où est-ce qu'on fixe le barème d'accomplissement de manière très personnelle pour conclure, petite question simple. Où est-ce qu'on place le barème d'accomplissement? Ben ouais, parce que tu sais, comme on s'accomplit beaucoup à travers le travail, mais tu sais, comme comment tu places des barèmes si tu veux pas te brûler, puis aussi si genre t'es fondamentalement, tu sais, je veux dire, je comprends là que genre le monde qui sont juste capitalistes puis qui veulent un salaire en haut de 100 000, une fois qu'ils l'ont atteint, ils ont des barèmes d'accomplissement, ok, tu sais. Mais genre, moi, je... Ah, dans le sens de... Disons, c'est bien plus flou, là. Ben, j'avoue que, tu sais, comme... Comme où la ligne à partir de où t'es satisfait. Ben, c'est ça aussi. Ou à partir de où tu profites du système. Parce que te brûler aussi, c'est toujours travailler pour jamais de satisfaction parce que aussi, genre, tu t'éparpilles, parce que, genre, t'as pas l'impression que tu peux ever atteindre, genre, la validation que tu veux. Fait que, comment tu sais, comment on les fixe, ces barèmes-là? Ben, tu sais, comme au travail... Puis, tu sais, moi, ça m'a demandé du temps puis de la réflexion, mais il y a eu un moment donné où je me suis dit non, je ne veux pas de carrière. Non, je ne veux pas passer à l'étape suivante. Après ça, je suis chanceux. Je suis quand même très bien payé pour le travail que je fais. Ça vient avec des assurances. Fait que tu sais, je peux dire, je suis contente de ça, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais je suis une overdoer pendant tellement longtemps. J'étais comme, justement, moi, je vais remplacer quand il m'appelle. Moi, y aller, si m'a clairé mon agenda, tabarnak. Je m'en viens, tout le monde. Je m'en viens, je mets ma cape, style, lâcher le bat-signal, puis je m'en viens. J'étais comme, faut que je dise oui à tout, faut que je fasse tout, on refuse pas une offre, non, non, non. Un moment donné, c'est sûr que j'ai fait autant activistement que capitalistiquement, là, dans les deux cas, il y a eu un moment donné où j'étais comme, c'est correct, on peut, on respire. C'est surtout le avec la sobriété, puis tout, moi, j'ai fait un moment donné, j'arrêtais de boire, tout, fait, j'ai comme eu un grand moment de là, tu vas penser à toi, Jess, avant de mourir de tout ce que tu essayes de faire en même temps, là. Puis genre, passe à d'autres choses. Puis après ça, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis garoché dans une commune en pensant que tout irait bien. Mais ben, on l'a tout fait. Puis c'était le fun les années que ça a duré. Yeah, je me suis juste garoché encore plus dans le... Là, maintenant, autant financièrement, je trouve que... Mais comme c'est ça, est-ce que je serais confortable là, de faire 500 000 par année, d'avoir la grosse crise de job. Je alors, sais pas. 500 000. Mais non, mais il y a du monde qui font ça dans la vie, sais, autour de moi, à mon travail. Moi, ce que j'aime, c'est les gens qui, genre, là, puis vous nous écoutez sûrement en ce moment, là, mais il y a bien du monde qui viennent. Parce que moi, je suis plus out dans le monde que Jess aussi. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me parler du podcast. Puis des fois, ils sont comme, ah, tiens, moi, je travaille dans une job où, tu sais, c'est vraiment pas tant queer-friendly, puis ça m'aide vraiment d'écouter deux fifs, nan, nan. Puis je suis comme, OK, cool, mais genre, fuck off, là. Toi, t'as une petite job, genre, corpo vendu, tu fais fucking plein de cash, puis genre, tu m'écoutes et ça te fait du bien. Meanwhile, genre, tu on struggle à, genre, être payé pour ce qu'on fait, puis à, genre, vivre sur un salaire vraiment différent, mais genre, honte et triste parce que, genre, ta job est, tu dois vendre ton âme au capitalisme. C'est tes choix, tu sais, reconsidère-les, je sais pas, mais je trouve ça drôle. Vous savez pas quel job qu'ils font, là? Mais c'est ça. T'sais. Même la personne qui est en tête, au moins. Ah non. Non, non, mais c'est vrai, c'est un trope, tu sais, de gens qui sont comme, ah, le podcast me fait du bien parce que moi, ma job, elle m'en fait pas, mais bon, qu'est-ce que tu veux, j'ai choisi ça. Puis je suis comme, mais oui, t'as choisi ça, tu sais. Ah oui, oui, mais tu sais, en même temps, je... bon. Non, mais parce que c'est vrai que des fois, les gens, c'est peut-être off, là, mais tu sais, moi, les gens qui willingly participent au capitalisme en ayant des jobs, genre, tu sais, genre, straight up en finance, là, ou dans des affaires de même. Puis qu'après ça, c'est comme, ah, mais ça me fait du bien d'entendre quelque chose de comme plus à gauche, puis plus en accord avec mes valeurs, puis tout. Je suis comme, ben, tu sais, t'es en désaccord avec tes valeurs 40 heures semaine, hein. Oui. Genre, il doit bien avoir des ups que tu veux, puis genre, à un moment donné, tu sais, t'es. Genre, c'est toi aussi qui accepte de, genre, trahir ces valeurs-là. Puis je comprends que le podcast, ça te permet de reconnecter avec ça, mais tu sais, je suis comme, ça me fait plaisir, mais pose-toi plus de questions, babe, tu sais. Ça a pas l'air de te faire bien plaisir, mais en tout cas. Ouais, ça, en même temps, je sais pas, parce que ben, c'est sûr que je me rendrais pas très loin dans ce monde-là. Là, je garde quand même j'essaie de garder quand même mon brand de prolétaire. Je veux pas devenir un CEO de compagnie, ça c'est sûr. Mais comme, tu sais, moi, c'est le choix que j'ai fait aussi de vivre en contradiction avec mes valeurs. Je veux que t'es comme prolétaire is a brand. Oui. It's just about branding. Ben oui, tout est about branding. Mais comme, tu sais, genre, je me verrais pas devenir genre gérant, directeur, VP, whatever, le poste. Genre, ça c'est sûr que non, mais comme. Ouais, en même temps, c'est ça. C'est juste que moi, je me suis choisi une job de jour. J'ai fait ce choix-là un peu parce que justement, ça me permet de faire d'autres choses de vraiment plus radicales sans faire de compromis, genre, parce que justement, j'ai le privilège d'avoir une job de jour. Mais je sais pas, c'est... Mais tout le monde négocie ces affaires-là, ouais. Comme qui peut, puis c'est sûr que c'est un job à 200 000 par année, comme Charlie dit, puis là, t'es comme, nous, on te fait du bien. Je suis comme, ben, j'attends ton abonnement à 20$ par mois sur Patreon. Oui, clair. Avec give impatience. Back. Give back. Oui. D'ailleurs, pour ceux et celles qui disent que c'est pas vrai qu'on roule sur là, parce que là, on a l'air de dire qu'on est pauvre, mais là, c'est It's All Branding. Le Patreon nous amène des flots et des flots. Ah oui, on est riche, on nage dans l'argent. Là. Mais des lingots d'or pur, oui. Hein, moi, oui. Que je stocke dans mon sous-sol. Oui. Juste, en tout cas, puis compte, keep it coming. Ah, puis c'est lourd à gérer. C'est une livraison bi-hebdomadaire de lingots. Puis là, où est-ce qu'on met nos lingots? Puis là, mais oui, réunion Marie, sur les lingots d'or. Marie, trêve de richesse. Là. Toi, c'est quoi tes barèmes d'accomplissement? Ben, encore une fois, peut-être statement controversé, mais comme, ah oui. T'es fixe dans ta... C'est toi qui décides. Je veux dire, il n'y a pas... Moi, comme... j'aime ça les petits steps. Qu'est-ce que tu veux dire, les petits pas steps? Pas avoir... C'est bien d'avoir des gros barèmes long terme, mais tu sais, l'affaire conne de genre, ça prend les plus petits objectifs. Comme non, ça, mais tu peux vraiment les célébrer. C'est quoi le barème du succès? C'est comment tu mesures le succès? C'est quoi ta question? Ben, non, mais juste comme tes barèmes d'accomplissement, parce que pour te sentir accompli, tu sais. Ben, moi, je peux choisir de me sentir accompli live. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, mon Dieu, ça, là-dessus, je suis 100% d'accord. Moi, je peux mourir demain, j'ai aucun complexe. Ah, c'est vrai, ça. Non, mais c'est parce que les pensées que tu pratiques dans ton quotidien, quand tu vas être rendu à la place que tu veux te rendre, tu vas avoir encore le même cerveau. Fait que si t'es habitué de regarder ta vie puis d'être chroniquement insatisfait puis de regarder toutes les affaires qui vont pas puis t'es pas capable d'apprécier qu'est-ce que t'as, ben même quand tu vas reach quelque chose... Moi, je suis chroniquement insatisfait, mais je suis très fier de ce que j'ai accompli dans ma vie. OK. Ah, moi, cool. Je vis les deux intensément en même temps. Ah! Vraiment. Vraiment. Genre, je suis comme, moi, je dois rien à personne, tabarnak. J'ai fait ce que j'avais à faire so far. Puis de l'autre côté, je suis comme, j'ai jamais rien fait. Genre, j'ai les deux qui se parlent beaucoup, mais genre, ouais. C'est un peu comme ça que j'ai réussi à trouver ma balance, je pense. Entre travailler trop fort puis rien faire. Mais comment, quand, mettons, t'es dans ton pit of despair, comment tu te parles? Mon Dieu, comment je me parle? C'est je me médicamente plus intérieur. Que je me parle, mais... Okay. Je t'avoue que ces temps-ci, mon dialogue intérieur, il est beaucoup sur à quoi ça sert tout ça. Là. Il est très, très... Là. Puis genre, mon dialogue intérieur, c'est effectivement meaningless, get the fuck over it. Je suis très... La Jess est nihiliste. Ouais, puis je suis surtout très lucide par rapport au fait que 1700 ans, il n'y a pas personne qui va se rappeler de mon nom, c'est bien correct. Puis non, je suis très... Je fais ce que j'ai à faire parce que j'ai un sens du devoir qui en est fatigant, mais je suis aussi très... Tabarnak, moi je voulais finir sur la belle pensée positive. Non, il faut se sentir accompli dès maintenant. Je laisserai pas ça arriver bon, ce soir, ce matin. Calice, je laisserai pas ça arriver jamais. On finira pas sur une belle, non, c'est pas vrai. Mais on a le droit de pas être d'accord. Mais moi, dans ma vie, ce que j'apprends, c'est que plus j'accepte à. Plus j'accepte, c'est pas ça la phrase, mais c'est plus j'apprends à reconnaître les affaires dans ma vie qui marchent bien, oui. Plus j'ai de chance que. Là, je suis en train de builder de quoi, là, une vie, une carrière que j'aime, qui me ressemble, oui, oui, oui. Ben, plus il y a de chances que quand je vais reach des gros goals, je vais être capable de regarder et faire « Hey, wow, j'ai fait ça! » C'est plutôt que de dire « Ouais, j'ai fait ça, mais en même temps, c'était pas parfait, ouais, puis j'aurais dû faire telle affaire demain, puis oh ouais, mais il y a telle autre affaire. » Tu sais, c'est comme se pratiquer à reconnaître les affaires qui fonctionnent puis que t'es comme « Est-ce que je suis nice? » Ouais. Genre. Ouais. Sur ce... Ah oui, là, on finit son podcast. On va aller dire au barista, il est bon en hostie, ton latte art, célèbre-toi. Ouais, on va dire, sans toi accompli, parce que ça, c'est un petit accomplissement. Ça, c'est un barème. Tu les célèbres, puis c'est un barème pour que tu peux célébrer aussi les autres affaires, puis sans toi accompli. Puis on vous revient, overcaffeiné. En tout cas, il y en avait des barèmes d'accomplissement dans ce café-là. Ah. Il y en avait. Et là. C'était tout. Pour notre épisode de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci Marie d'avoir été avec nous autres. C'était full le fun. Oh, c'était un grand plaisir. Pis, merci. Ben, je vais le plugger moi-même, ton podcast. Parce que c'est vraiment notre Call Your Girlfriend Keb. Là. C'est vraiment le fun. Oh, mais non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que tu sais, c'est des conversations qui filent super naturelles sur comme des affaires super deep des fois, mais aussi sur des affaires plus légères. Puis comme. Oui, puis on essaye d'amener de la deepness dans les affaires légères, puis de la légèreté dans les affaires lourdes. Ouais. C'est comme un beau mix. Fait qu'on vous a déjà plugué entre deux lèvres. Là, on vous plug entre deux os. Ouais. On aime ça les sandwichs. Oui. Entre deux os.balado sur Instagram et sur Facebook. Entre deux os.pinecast.co pour nous écouter live ou vous abonner sur toutes les plateformes. Faites du live en plus. On fait du live? Ah ouais. Non. C'est toi qui viens de dire ça. Si vous voulez nous écouter live, tu viens de donner le site web. Ah non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ah. Si vous voulez nous écouter, je me suis trompé dans ma phrase. Là. Moi aussi, j'ai quand même fait des lives. Oh my God. Non, on n'est pas rendu là. On vous trouvait craqué, là. Oui. Sacrament. Non, mais si vous nous. Si vous voulez nous écouter directement sur le site, okay. C'est ça que je voulais dire. Ah. Parfait. Mais sinon, vous pouvez vous abonner via une application sur votre téléphone. Le Montréal Slang de genre, on fait ça live, là. Hey, va faire ça live. Ouais, c'est ça. Je parle tout croche. Moi aussi, je parle tout croche. Puis, on est tous les deux podcasteurs. C'est une radio poubelle. C'est une radio poubelle. Une radio poubelle, cette poubelle et radio. Moi, étant nouvellement un humoriste de la relève avec des plugs de stand-up que je m'en vais faire, je vais être le jeudi 27 octobre à la soirée des Bucks et des bières au Billy Buck à 20h, c'est gratis. Puis je vais aussi être au Snowflake Comedy Club le 5 novembre, comme vous le savez, au Jockey. Ça, c'est un samedi, ça va être le fun, puis ça va être bien snowflakey. Je vous vois les petits snowflakes là, qui sont... bien précieuse, bien particulière, qui va être dans des safe places. Là. Venez-vous-en, là, ça va être voilà, incroyable. Effectivement, amateur de jokes de mères lesbiennes, c'est votre call. Alors, si vous voulez nous suivre sur tous les réseaux sociaux... Mais j'en parle pas assez pour vrai mes mères lesbiennes sur ce podcast-là. J'en ai pas parlé cette fois-ci. Non, c'est vrai. Je veux juste dire que mes mères sont lesbiennes. Ben, il y a plus lesbiennes que ça, c'est Ariane Moffat dans une Subaru calliste. Hey, je peux-tu plugger mes personnes aussi? Non, I wish. Mais oui, plug... Excuse-moi, je t'ai interrompu. Tes réseaux sociaux. J'ai pas entendu ce que tu veux plugger. Tes réseaux sociaux. Non, mais si vous voulez suivre mon moi-même aussi, t'as coupé, j'ai des choses intéressantes à dire. Je suis sur Twitter, sur Instagram et sur LinkedIn. Ça a l'air, je suis la première invitée qui plug LinkedIn. Ouais. Happy to break that ceiling. C'est considéré comme un réseau social qui a de l'allure ici. Non. C'est un réseau social, ça a juste pas d'allure. C'est bien intéressant. Oui. En tout cas, Harry La Rochelle, fait ARIELLARO CHELL. Dans le fond, c'est comme mon nom au complet, mais t'enlèves le M au début, t'enlèves le E. Ce qui est une approche fin. Intéressante au handle, parce qu'on sait plus quoi faire pour cette situation. Ah, ben oui, tout est pris. Puis à un moment donné, tu veux pas mettre. Tu peux pas mettre des lettres, des chiffres, des underscores, non. Un X devant, un X derrière, enlever une voyelle. Tu sais, on essaie des affaires. On essaie des affaires. Bon. Voilà, traînez de poudre. Personne n'avait pris ça. Ben, juste le VM, libre aussi. Il y a quelqu'un qui a pas, parce que moi, c'est traîner underscore de underscore poudre. Underscore, mais il y a quelqu'un qui a pris celui où il n'y a pas d'underscore à la fin. Mais ce qui est bien, c'est que vu que c'est traîné de put, je vais faire traîné de put avec une petite ligne en extra. Ben oui, c'est ça le gars. Les underscores sont toutes une ligne, ben oui. J'ai compris le deuxième degré de ton nom Instagram la semaine passée. Yes. J'ai compris traîner, j'ai fait oh! Il n'est jamais trop tard. She's a whore. Il n'est jamais trop tard. Car il n'y a rien de pire que de ne rien sentir. Ça, c'est pour le monde qui a la COVID. Voilà. Fait que... Oh my God, c'est trop bon, c'est trop bon. Oh my girl, with the COVID back in here, I make some noise. Let's go, Marie. Je vais mettre trop tard. Moi, j'essaie de garder nos fins d'épisode le plus chaotique possible, oui. Comme ça. Ça, ça fait dure, que le monde écoute jusqu'à la fin. Non, raccroche. Non, écoutez, non, raccrochez pas, je vous jure, il y a encore du fun. Non, il y a encore du plaisir. Restez. Restez. Vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure, donc pas LinkedIn, en tapant 2 FIF le matin, 2, le chiffre 2. FIF avec un X à la place du pour pas faire ça dedans pour après les émeurs. Le chiffre 2, tout en un mot. Non, j'ai encore dit. Redis-les deux fois. C'est pour ça que c'est à Jess qu'il fait. Moi, je suis pas capable. Je suis juste pas capable. Vas-y, Jess, je n'ai pas atteint mon barème d'accomplissement. Hey. Je m'accomplis plus. Je suis insatisfait. 5 étoiles, vous nous donnez sur les plateformes. Ouais, commentaires, on les dit toutes, on est content. Oui. C'est ça. C'est ça qui est ça pour la conclusion de cette semaine. Faites alors, on va maintenant conclure la conclusion. Du bouche à bouche, du bouche à pubis, du bouche à tout. Oui, oui, oui. Ass to mouth, c'est correct aussi. Oui. C'est toujours. Oui. Oui, traînez-vous du scope, puis ça va passer. Du scope? Ah, du rien de bouche. Ah, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Non, non, pas un télescope ou genre quelque chose qui fait rien qui ne sert à la vision. Mais pour vrai, c'est. Pas scope comme dans scopique. Si tu cherches sur Pornhub, c'est sûr qu'il y a des affaires avec des télescopes. Peu importe ce que tu cherches sur Pornhub, tu as un résultat. Tu vas en avoir quelque part. C'est, ouais. C'est la règle chercher... 52. Je me rappelle jamais du chiffre. 32, 42. Mais cherchez pas à notre place pour nous envoyer des liens. Non. On a juste confiance que ça existe. Oui, bonne semaine, les mounes. Bonne semaine.